Une nuit sans sommeil par Mark Twain. Nous fûmes au lit à 10 heures car nous devions nous lever au petit jour pour continuer notre route vers chez nous. J'ai été un peu énervé, mais Harry s'endormit tout de suite. Il y a dans cet acte un je ne sais quoi qui n'est pas exactement une insulte et qui est pourtant une insolence, et une insolence pénible à souffrir. Je réfléchissais sur cette injure et cependant, j'essayais de m'endormir. Mais plus j'essayais, plus je m'éveillais. J'en vins à méditer tristement dans l'obscurité, sans autre compagnie qu'un dîner mal digéré. Mon esprit partit peu à peu et aborda le début de tous les sujets sur lesquels on n'est jamais réfléchi, mais sans aller jamais plus loin que le début. C'était toucher et partir. Il volait de pensée en pensée avec une prodigieuse rapidité. Au bout d'une heure, ma tête était un parfait tourbillon. J'étais épuisé, fatigué à mort. La fatigue devint si grande qu'elle commença à lutter avec l'excitation nerveuse et peu à peu je m'assoupissais. Quand une horloge commença à sonner, je comptais tous les coups et j'allais me rendormir quand une autre horloge sonna. Je comptais. Alors, les deux anges du grand carillon de l'hôtel de ville se mirent à lancer de leurs longues trompettes des sons riches et mélodieux. Je n'avais jamais ouï de notes plus magiques, plus mystérieuses, plus suaves. Mais quand ils se mirent à sonner les quarts d'heure, je trouvais la chose exagérée. Chaque fois que je m'assoupissais un moment, un nouveau bruit m'éveillait. Je faisais glisser la couverture et j'avais à me pencher jusqu'au sol pour la rattraper. À la fin, tout espoir de sommeil s'enfuit. Je dus reconnaître que j'étais décidément et désespérément éveillé, tout à fait éveillé, et en outre, j'étais fiévreux et j'avais soif. Après être resté là à me tourner et me retourner aussi longtemps que je pus, il me vint l'idée excellente de me lever, de m'habiller, de sortir sur la grande place pour prendre un bain rafraîchissant dans le bassin de la fontaine et attendre le matin en fumant et en rêvant. Je pensais pouvoir m'habiller dans l'obscurité sans éveiller Harris. J'avais exilé mes souliers, mais les pantoufles suffisaient pour une nuit d'été. Je me levais donc doucement, et je trouvais graduellement tous mes effets sauf un de mes bas. Je ne pouvais tomber sur sa trace malgré tous mes efforts. Il me le fallait cependant. Je me mis donc à quatre pattes et m'avançai à tâtons, une pantoufle au pied, l'autre dans la main, scrutant le plancher mais sans résultat. J'élargis le cercle de mon excursion et continuai à chercher en tâtonnant. À chaque fois que se posait mon genou, comme le plancher craquait. Et quand je me heurtais au passage contre quelque objet, il me semblait que le bruit était 35 ou 36 fois plus fort qu'en plein jour. Dans ce cas-là, je m'arrêtais et retenais ma respiration pour m'assurer que Harris ne s'était pas éveillé. Puis je continuai à ramper. J'avançais de côté d'autre sans pouvoir trouver le bas. Je ne rencontrais absolument pas autre chose que des meubles. Je n'aurais jamais supposé qu'il y eût tant de meubles dans la chambre au moment où je vins me coucher. Mais il en grouillait partout maintenant, spécialement des chaises. Il y avait des chaises à tous les endroits. Deux ou trois familles avaient-elles emménagé dans l'intervalle? Et jamais je ne découvrais une de ces chaises à temps, mais je les frappais toujours en plein et carrément de la tête. Mon irritation grandissait, et tout en rampant de côté d'autre, je commençais à faire à voix basse d'inconvenantes réflexions. Finalement, dans un violent accès de fureur, je décidai de sortir avec un seul bas. Je me levai donc et me dirigeai à ce que je pensais vers la porte, et soudain, je vis devant moi mon image obscure et spectrale dans la glace que je n'avais pas brisée. Cette vue m'arrêta la respiration. Un moment. Elle me prouva ainsi que j'étais perdu, et ne soupçonnait pas où je pouvais être. Cette pensée me chagrina tellement que je dus m'asseoir sur le plancher et saisir quelque chose pour éviter de faire éclater le plafond sous l'explosion de mes sentiments. S'il n'y avait eu qu'un miroir, peut-être aurait-il pu me servir et m'orienter, mais il y en avait deux, et c'était comme s'il y en avait eu 1000. D'ailleurs, ils étaient placés sur les deux murs opposés. J'apercevais confusément la lueur des fenêtres, mais dans la situation résultant de mes tours et détours, elle se trouvait exactement là où elle n'aurait pas dû être, et ne servait donc qu'à me troubler au lieu de m'aider à me retrouver. Je fis un mouvement pour me lever, et je fis tomber un parapluie. Il heurta le plancher, dur, lisse, nu, avec le bruit d'un coup de pistolet. Je grinçai des dents et retins ma respiration. Harris ne remua pas. Je relevai doucement le parapluie et le posai avec précaution contre le mur. Mais à peine eus-je retiré la main que son talon glissa sous lui et qu'il tomba avec un autre bruit violent. Je me recroquevillai et j'attendis un moment dans une rage muette. Pas de mal. Tout était tranquille. Avec le soin le plus scrupuleux et le plus habile, je redressai le parapluie une fois de plus, retirai la main, et il tomba de nouveau. Le parapluie ne pouvait me donner aucune indication locale. Il y en avait quatre, dans la chambre, et tous pareils. Je pensais qu'il serait pratique de suivre le mur en essayant de trouver la porte. Je me levai pour commencer mon expérience, et je décrochai un tableau. Ce n'était pas un grand tableau, mais il fit plus de bruit qu'un panorama. Harris ne bougea pas. Mais je compris qu'une autre tentative picturale l'éveillerait sûrement. Il valait mieux renoncer à sortir. Le mieux était de retrouver au milieu de la chambre la table ronde du roi Arthur. Je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois. Et de m'en servir comme point de départ pour une exploration vers mon lit. Si je pouvais atteindre mon lit, je retrouverais mon pot à eau. Je calmerais ma soif dévorante et me coucherais. Je repartis donc à quatre pattes. J'allais plus vite de cette façon et aussi plus sûrement, sans risquer de rien renverser. Au bout d'un moment, je trouvai la table, avec ma tête, me frottai un peu le front, puis me levai et partis, les mains allongées, les doigts écartés, pour tenir mon équilibre. Je trouvai une chaise, puis le mur, puis une autre chaise, puis un sofa, puis un alpenstock, puis un autre sofa. Cela me troubla, car je pensais qu'il n'y avait qu'un sofa dans la chambre. Je regagnai la table pour m'orienter et repartir. Je trouvai quelques chaises de plus. Il arriva maintenant, comme sans doute il était arrivé tout à l'heure, que la table était ronde. N'était d'aucune valeur comme base pour un départ d'exploration. Je l'abandonnai donc une fois de plus et m'en allai au hasard à travers la solitude des chaises et des sofas. J'errai dans des pays inconnus et fis tomber un flambeau de la cheminée. En cherchant le flambeau, je renversai un pot à eau qui fit un fracas terrible et je dis en moi-même « Vous voilà enfin !» Je pensais bien que vous étiez par là. Harris murmura « Au meurtre, au voleur !» Et il ajouta « Je suis absolument trempé. » C'était l'autre pot. Le bruit avait éveillé toute la maison. Monsieur X entra précipitamment dans son long vêtement de nuit, tenant un bougeoir. Le jeune Z, après lui, avec un autre bougeoir. Une procession par une autre porte avec des flambeaux et des lanternes, l'hôte et deux voyageurs allemands, en robe de chambre, ainsi qu'une femme de chambre aussi. Je regardais. J'étais auprès du lit d'Harris, un jour de voyage du mien. Il n'y avait qu'un sofa. Il était contre le mur. Il n'y avait qu'une chaise à ma portée. J'avais tourné autour d'elle comme une comète, la heurtant comme une comète la moitié de la nuit. J'expliquai ce qui m'était arrivé et pourquoi cela était arrivé. Les gens de la maison se retirèrent et nous nous occupâmes du déjeuner, car l'aurore pointait déjà. Je jetai un coup d'œil furtif sur mon podomètre et trouvai que j'avais parcouru 47 000. Mais peu importait, puisqu'après tout, je voulais sortir pour faire un tour. C'était Une nuit sans sommeil, par Mark Twain.